la cantine, des gentils lapins, nous. Nous, nous, sommes aussi doux que des doudous. La crème chantilly, les guili-guili. Les peluches, les gros peluches, sont aussi nos chouchous à nous. Nous, nous les gentils lapins, nous. C'est la cantine des gentils lapins, nous. Nous, nous, sommes aussi doux que des doudous. La crème chantilly, les guili-guili. Les peluches, les fanfreluches, sont aussi nos chouchous à nous. Nous, nous les gentils lapins, nous. Hee hee hee!